Bonjour Tiffaine, de notre côté nous terminons une mini-série consacrée depuis hier à Bret Easton Ellis. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est aujourd'hui, presque 10 ans après la parution de son dernier roman Glamorama, que sort en librairie le dernier livre de Bret Easton Ellis intitulé sobrement White. Enfin, sobrement, ce n'est pas si sûr finalement, étant donné que ce tout petit mot prend la place du titre originellement prévu et qui était White Privileged Male, ce qui signifie l'homme blanc privilégié. On le comprend, l'auteur du sulfureux American Psycho n'a rien perdu de sa verve polémique et cette nouvelle parution est l'occasion pour nous d'aller plus loin dans l'analyse de son œuvre sans nous contenter de le lire par le prisme de la provocation. Nous avons commencé de le faire hier avec son traducteur Pierre Guglielmina qui nous a raconté sa vie et détaillé divers moments de sa carrière littéraire. Tandis que lundi et mardi, nous parlions d'un autre écrivain américain bien incorrect en la personne de Tom Wolfe. Et aujourd'hui ? Et bien aujourd'hui, pour analyser l'œuvre de Bret Easton Ellis et en repérer les grands thèmes, nous sommes avec vous Alexis Broca, bonjour. Bonjour Mathieu. Vous êtes rédacteur en chef adjoint du magazine littéraire, vous venez d'ailleurs souvent nous voir à ce titre, mais vous êtes également l'auteur d'une trilogie fictionnelle pour les adolescents qui s'appelle La mort, j'adore, c'est publié aux éditions Sabacane. Tout ce que je dis est vrai, je vous rassure. Vous écrivez également des romans pour les adultes comme Un dieu dans la machine à la dernière rentrée littéraire, c'était aux éditions Phébus, ou encore La vie de jardin, que vous aviez publié chez Gallimard en 2015. Alors La vie de jardin, c'est un roman qui se passe dans une banlieue chic de la région parisienne, du côté de Saint-Cloud. Et on se dit que peut-être, toute chose égale par ailleurs, bien entendu, la vie des personnages de Bret Easton Ellis dans ces villas des quartiers fortunés de Los Angeles a pu vous inspirer pour La vie de jardin. Est-ce que c'est le cas, Alexis Broca? Alors oui, je dirais pas qu'il m'a inspiré, mais en effet, la lecture de Moins que zéro et des lois de l'attraction en particulier, ces lectures-là m'ont beaucoup libéré dans le sens où j'ai vu d'abord qu'on pouvait décrire l'existence dans ces milieux de façon détachée, de manière à en faire quelque chose d'esthétique. Et j'ai vu par ailleurs aussi que... Et non, pas de politique, c'est ça que vous sous-entendez? Oui, sans exactement. Exactement, voilà, qui ne soit pas dans la dénonciation sociale, qui ne soit pas la vision de ce milieu, soit vu à travers une grille marxiste, soit vu à travers une grille complaisante. C'était quelque chose, Bret Easton Ellis met presque ce milieu sous verre, en quelque sorte. Il le regarde avec une distance qui est la distance qu'on peut qu'elle regarde un spectateur sur une œuvre d'art moderne, par exemple. Et ça, tout à coup, ça rendait possible, en fait, d'écrire sur cette bourgeoisie française. Et puis, par ailleurs, je pense que Bret Easton Ellis a identifié des constantes, en fait, qu'on retrouve au sommet de la chaîne alimentaire économique. En France comme aux États-Unis. Je pense, à mon avis, dans le monde entier. Et d'ailleurs, je pense que Bret Easton Ellis a libéré beaucoup d'écrivains dans le monde entier qui se sont mis à écrire, effectivement, sur la façon dont certaines sociétés pourrissent par la tête et sur la fascination que peut instiller chez le lecteur cette pourriture. Donc c'est aussi un écrivain de la mondialisation, c'est en cela qu'il est notre contemporain. Oui, tout à fait. Oui, c'est un écrivain de la mondialisation, c'est un écrivain de la multitude, c'est un écrivain aussi qui s'intéresse aux mutations de l'individualité. Les personnages de Bret Easton Ellis sont des purs individualistes et en même temps, vous l'avez dit dans l'émission précédente, ils ont des visages distincts, alors que leurs habits sont extrêmement détaillés, qu'on en détaille les marques, que certaines chaînes IFI sont détaillées jusqu'à l'obsession dans Moins que zéro. Les visages, eux, ne sont croquer en quelques adjectifs qui sont toujours les mêmes. Ses visages sont bronzés, ses visages sont beaux, les cheveux sont tirés en arrière dans American Psycho. Et ça donne une galerie comme ça de visages semblables qui est en effet un petit peu cette qui me fait penser à cette multitude qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, par exemple, en effet. Donc ce sont des individus qui n'existent pas à titre individuel. Ce sont des individus qui revendiquent l'individualisme, oui, mais qui pourtant tous se ressemblent. Ben oui, en fait, c'est cette société qui les a fait ainsi, en leur instillant les mêmes désirs, en provoquant dans leur vie les mêmes dramaturgies. Dans Mock Zero, c'est très frappant, parce que tous les prénoms me font une syllabe. Clay, Tad, Rip. Et peu importe, au fond, que l'on se repère dans cette galerie de personnages, puisque ils ont tous à peu près les mêmes goûts, tous à peu près les mêmes névroses, tous à peu près les mêmes sarcasmes. Et en même temps, ils sont tous très individualistes, très égoïstes, très narcissiques. Et voilà, il explore en fait ce paradoxe de l'individualité. Vous parliez d'Andy Warhol dans l'émission précédente. Il y a quelque chose de sériel dans les personnages de Bret Easton Ellis. Et en même temps, ils se vivent tous comme des petites monades indépendantes et très avide. Il y a un paradoxe avec Bret Easton Ellis qui est celui du rapport à la modernité. Oui. C'est un écrivain dont on a le sentiment qu'il est hyper moderne. Oui. Il a toujours même été hyper moderne quand il a décrit la vitesse de la vie américaine du temps de Wall Street, des crashs des années 80. Il est hyper moderne quand il est sur Twitter en permanence, qu'il fait des esclandres. Et en même temps, on a l'impression qu'il est anti-moderne. Pour vous, où est-ce qu'il se situe par rapport à la société d'aujourd'hui dont il fait partie sans vraiment l'accepter, semble-t-il? Oui, c'est très curieux. Alors, en effet, Bret Easton Ellis a incarné son époque pendant au moins deux décennies. Il a incarné les années 80 avec Mock Zero, qui donnait en quelque sorte la note esthétique de ces années-là en littérature. Il a incarné ensuite la fin des années 80 et les années 90 avec American Psycho, qui décrivait cette espèce d'orgie financière. Et puis, avec Glamourama, il explorait aussi l'univers de la mode et du glamour qui était très prégnant, effectivement, lorsqu'il l'a publié en 2000. Et puis, il arrive à Lunar Park, et là, il fait un roman qui est beaucoup plus, à mon avis, beaucoup plus personnel, beaucoup plus centré sur lui que sur l'époque, qui pourrait se lire comme une sorte de psychanalyse littéraire, si Bret Easton Ellis n'était pas si rusé et s'il ne lançait pas tant de pistes qui sont à la fois vraies et fausses. Et puis là, en effet, il publie White. Et White, on a l'impression qu'il est vraiment entré en... qu'il a divorcé de son époque, clairement. C'est-à-dire que White, c'est vraiment une admonestation. L'admonestation d'un... je vais utiliser le mot punk, parce que c'est ça, il définit Mock Zero comme un roman punk nihiliste plusieurs fois. Donc c'est vraiment l'admonestation d'un vieux punk égaré dans un monde, comme j'ai essayé de l'écrire dans le magazine littéraire, dans un monde de dames patronesses progressistes. Et en effet, on a l'impression que tout à coup, Bret Easton Ellis se réveille dans une Amérique qui a changé, dans une Amérique où ses sarcasmes ne sont plus reçus de la même façon, dans une Amérique où tout à coup on vous définit où une seule de vos répliques outrageantes suffit à vous définir et à vous réduire. Et il entre en colère contre cette Amérique. C'est assez savoureux d'ailleurs. Donc il est coupé de la jeunesse aujourd'hui, d'une certaine manière. En un sens, oui, et dans un sens, non. Parce que quand il cite ses amis, ce sont souvent des acteurs assez jeunes. Il vit par ailleurs, il le dit, avec un millénial qui s'appelle Tad, qui est un garçon... Et qui ne pense pas comme lui, précisément. Qui ne pense pas du tout. Non, il le définit comme un socialiste au bord du communisme. Et en effet, Tad d'ailleurs est une sorte d'objet d'étude pour Bret Easton Ellis. Mais on le sent en effet assez perplexe vis-à-vis de cette génération qui, selon lui, est beaucoup trop vulnérable, a été élevée dans le culte de ses traumatismes, qui se définit par la victimisation. Et en effet, c'est compréhensible lorsque vous regardez Mock Zero. Mock Zero, sont l'histoire, ce sont des adolescents complètement blasés, qui veulent voir le pire et que ça n'émeut pas beaucoup. Ce sont des adolescents qui comme il le raconte dans White, il revient sur cette jeunesse et il raconte à quel point il errait comme ça, très jeune, dans un monde pour adultes, plein de dangers. Et que ça fait de lui autre chose qu'une mauviette. Je vous propose d'écouter justement un extrait de Mock Zero. Un jour, à la fin de mon année de terminale, j'ai séché les cours. Je suis allé seul en voiture à Palm Springs. Et j'ai écouté tout un tas de vieilles cassettes que j'aimais autrefois, mais qui ne me plaisaient plus. et je me suis arrêté dans un McDonald's de Sunland pour boire un coca. Après quoi, je suis reparti dans le désert et je me suis garé devant l'ancienne maison. Je n'aimais pas la nouvelle villa que ma famille avait achetée. Enfin, elle était bien, mais ce n'était pas comme l'ancienne. L'ancienne maison était vide, la peinture de la façade s'écaillait, il y avait des mauvaises herbes, une antenne télé tombée du toit et des poubelles vides qui encombraient ce qui était autrefois la pelouse de devant. On avait vidé la piscine et tous mes souvenirs me revinrent en mémoire et en uniforme de l'école, je dus m'asseoir sur les marches de la piscine pour pleurer. Je me rappelais toutes nos arrivées le vendredi soir et nos départs le dimanche soir et les après-midi passés à jouer aux cartes sur les chaises longues au bord de la piscine avec ma grand-mère. Pourtant, ces souvenirs me semblaient flous comparés aux boîtes de bière vides qui jonchaient l'herbe morte et aux fenêtres brisées, défoncées. Ma tante avait essayé de vendre la maison, mais l'attachement sentimental avait été le plus fort et elle avait vite renoncé. Mon père avait voulu la vendre. Ses échecs répétés l'avaient rendu furieux. Ils cessèrent bientôt d'en parler, la maison paraissait se dresser entre eux. Plus personne n'osait aborder ce sujet. Des auteurs avec cette lecture de Moins que zéro sélectionnée par Anne-Vanessa Prévost et lue par Pierre-Marie Baudouin. Qu'en retenez-vous, Alexis Brocard? J'aime beaucoup ce passage, c'est un des plus beaux passages de Moins que zéro, c'est un des passages les plus... Très mélancolique. Très lyrique et très mélancolique, en effet. Il tranche, d'ailleurs je crois qu'il est en italique dans Moins que zéro, si je me souviens bien, pour le distinguer du reste qui est plus froid. Il y a beaucoup de choses dans ce passage, mais je vois toute la nostalgie effectivement pour l'enfance, pour un passé qui était sans doute loin des complexités névrose de l'adolescence mise en scène dans Moins que zéro. Ce sur quoi Clay pleure autrefois, pleure dans ce passage, c'est clairement sur son paradis perdu de l'enfance en fait, qui est aujourd'hui d'ailleurs est une maison désaffectée. C'est très intéressant, ce crépi écaillé, il rappelle la maison qui part en morceaux dans Lunar Park. On trouve souvent d'ailleurs dans Bret Easton Ellis, dans les premiers romans, des éléments comme ça qui vont prospérer et qui vont donner en fait des thèmes majeurs dans d'autres textes. Et beaucoup de choses de l'ordre du sentiment s'incarnent dans les objets, oui, dans le matériel. Oui, tout à fait. On voit juste qu'il a pleuré. On nous dit pas pourquoi, mais c'est clair. Il pleure parce qu'il est devant un tas de symboles matériels qui sont la métonymie de toute son enfance engloutie, en fait, c'est cela. Et effectivement, d'une époque où il pouvait croire à une forme de normalité, à une forme de vie de famille. Lorsqu'on voit les scènes familiales dans Moins que zéro, et d'ailleurs dans tous les romans de Bret Easton Ellis, on voit bien que la zone grise du dysfonctionnement, comme il l'appelle, elle est là, elle affleure sous la surface des familles. Et là, en fait, c'est une vision de la vie en famille, à l'époque où sans doute cette zone grise n'était pas encore perçue. Mais il y a quand même des petites allusions dans certains passages où il évoque notamment sa grand-mère s'éloignant de son grand-père au moment où celui-ci tente de lui prendre la main. Des choses comme ça qui montrent bien qu'en fait, ça dysfonctionnait déjà, que le verre était déjà dans le fruit. Alors tout cela, ça s'incarne dans un style que vous avez qualifié de lyrique, oui. Mais c'est assez rare. Il est lyrique, finalement, qu'il soit lyrique. Ouais, c'est très rare, ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le style de Bret Easton Ellis, qu'on a d'habitude plutôt tendance à qualifier de behavioriste? Il est behavioriste dans le sens où il se limite à décrire les comportements des personnages. Et d'ailleurs, c'est ainsi qu'il donne cette impression de surface, qu'il donne cette impression que ces personnages ne sont que surface, ne sont qu'action. Et en même temps, ce style, il évolue beaucoup. Et d'ailleurs, dans plusieurs textes, notamment dans Lunar Park, il se met en scène en train de réfléchir à son propre style. Et en effet, Moins que zéro repose sur un style très minimaliste. C'est pas un hasard d'ailleurs s'il a été publié par Gary Fiske-Jones, qui était le deuxième, enfin le dernier éditeur de Carver, si je me souviens bien. Ce style, il frappe justement par sa sécheresse, par son minimaliste et par tout le hors-champ qu'il laisse entrevoir. Comme il ne parle pas des émotions, bah c'est nous qui recréons toutes les émotions et c'est beaucoup plus fort. Et puis après, il arrive à un style qui est plus ample, plus avec des phrases plus longues, plus tortueuses aussi. Je pense clairement à American Psycho, où Patrick Bateman est capable de partir dans des tirades très longues sur les Chenifi ou sur le groupe Hugh Lewis and the News, ce genre de choses. Et là, vous avez un style beaucoup plus tortueux et en même temps, ça reste un style très concret. C'est toujours basé sur des éléments visibles. Et à l'intérieur de ce style, de temps en temps, Bret Easton Ellis lâche quelques phrases. Une des plus connues, c'est « disparaître ici ». Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase d'ailleurs? Qu'est-ce qu'elle signifie selon vous? Alors, parce que pour moi, c'est « tout moins que zéro est là-dedans hein, », clairement. C'est-à-dire que pour moi, « disparaître ici », cela veut dire « vivez à Los Angeles ». Vivez nos existences, regardez à quel point le soleil, à quel point le soleil dissout toute notre attention, dissout les problèmes moraux que nous pourrions avoir vis-à-vis de certaines situations. Laissez-vous engloutir dans la torpeur collective, cette espèce de torpeur morale des années 80, et devenez un de ces personnages dont les noms se disent en une syllabe et qui sont tous semblables les uns des autres. Et nous continuons de revenir sur les grands thèmes de la littérature de Bret Easton Ellis avec l'écrivain et journaliste Alexis Broca, et l'un des thèmes centraux finalement de cette œuvre, l'un des plus évidents peut-être, c'est celui de la violence. Pourquoi selon vous cette attirance dans presque tous ses livres, dans beaucoup de ses livres, et en particulier évidemment dans American Psycho pour la violence? C'est vrai qu'il y a une violence folle dans Bret Easton Ellis, et ce qui provoque, ce qui dans cette violence nous frappe, c'est à la fois la façon dont elle est montrée et aussi le détachement des personnages qui y sont confrontés. Ce double processus crée un effet très fort chez le lecteur. Par exemple, vous avez en tête exemple en particulier? J'ai en tête tous les meurtres de Patrick Bateman dans American Psycho qui sont décrits de façon extrêmement clinique, à la façon d'un mode d'emploi d'ailleurs, presque. Où j'ai une scène très, il y a plusieurs scènes très éloquentes dans Moins que Zéro, où notamment Clay est confronté dans une soirée à des adolescents qui diffusent un film montrant un meurtre réel. La scène est atroce et les personnages sont fascinés et font des commentaires sur est-ce que telle torture a été simulée ou est-ce que c'est vrai. Il n'y a pas de commentaires moraux sur cette violence. On voit juste le personnage qui s'en va. Le personnage de Clay, le narrateur de Moins que Zéro, quitte la salle. On suppose juste que ça doit lui provoquer comme une certaine réaction. Mais il n'est pas exempt de sentiments quand même, ce personnage-là. Non, il n'est pas exempt de sentiments. Bon, on vient de le voir d'ailleurs, il n'est pas exempt de sentiments, et en même temps, lorsqu'il rentre à Los Angeles, il se retrouve pris effectivement par cette torpeur morale générale et qui anesthésie ses sentiments, ou du moins qui en anesthésie l'expression. Il y a effectivement des moments où il montre ses sentiments. Je pense notamment à un passage où il réfléchit à deux de ses meilleurs amis. Il y en a un qui s'appelle Rip et un autre qui s'appelle Julianne. Rip est devenu une sorte de dealer. Julianne s'est perdue dans les drogues et se prostitue pour rembourser ses dettes. Et il se souvient d'eux quand ils étaient jeunes et qu'ils revenaient de l'entraînement de football, de football américain. Et on voit bien que là, il y a tout à coup un grand moment de nostalgie, hein, une grande tension vers cette jeunesse où il n'y avait pas tous ces problèmes. C'est vrai que ces personnages ne sont pas toujours cyniques, ou ils sont cyniques en se rendant compte qu'ils le sont. Il y a une distance des personnages sur eux-mêmes, et comme vous le dites, ils sont pris dans cette espèce de torpeur qui fait qu'ils ne peuvent pas sortir de l'environnement dans lequel on les a plongés. C'est vrai, ils se rendent compte qu'ils sont cyniques, ils essayent d'en sortir parfois de façon assez maladroite et touchante. C'est particulièrement vrai dans Les Lois de l'Attraction, où vous avez plusieurs personnages qui se courent les uns après les autres, parce qu'ils s'aiment, Sauf que il y a de l'amour aussi. Il y a de l'amour, mais cet amour n'est n'est jamais réciproque. Et surtout, cet amour est toujours réduit à quelque chose de futile, parce que la leçon des lois d'attraction, qui est une leçon assez juvénile d'ailleurs, c'est qu'on ne connaît jamais personne. C'est que, effectivement, nous sommes tous pris dans notre petite subjectivité, et donc on ne se connaît pas, et donc l'amour dans ces conditions-là est... C'est du narcissisme, finalement, d'être avec au mieux le plus beau ou la plus belle. Voilà, ouais, c'est au mieux quelque chose d'illusoire. Donc là, en fait, ces personnages-là sont tous des cyniques, hein, clairement, ils sont tous sarcastiques, ils sont tous d'un snobisme incroyable, par ailleurs, le snobisme des décadents, qui est très particulier, et en même temps, ils cherchent à briser ça par l'amour, et en même temps, l'auteur, le livre, condamne clairement leur tentative comme pathétique. Alors en même temps, pour revenir sur la question de la violence, Bret Easton Ellis dit qu'il n'a pas d'attrait pour la violence dans la vraie vie, que finalement c'est un moment où il était en train de dîner avec cinq traders de Wall Street dans un restaurant, qu'il a pris conscience que son personnage de Patrick Bateman dans American Psycho devrait être un serial killer. Est-ce que vous avez l'impression qu'on peut le catégoriser comme un écrivain du mal, faisant partie de ce qu'on pourrait appeler la littérature du mal? En plusieurs romans, oui. Je pense notamment à la fin de Suite impériale, où le personnage principal engage quand même deux prostituées, un garçon et une fille, et leur fait subir un tas de choses. Et à la fin, il discute sur le diable. Et pour le narrateur, le diable n'existe pas. Et au moment où il dit que le diable n'existe pas, ces deux personnages, ces deux prostituées, se tournent vers lui et le pointent du doigt. Ça veut bien dire que ce personnage est vraiment décrit comme le mal. Et oui, Bret Easton Ellis a parlé souvent d'ailleurs de son attraction pour les personnages mauvais, simplement parce que effectivement Satan est fascinant, hein, et Satan est fascinant, et Patrick Bateman est fascinant, et en même temps Patrick Bateman c'est le mal bien sûr, mais c'est aussi quelqu'un qui c'est un fauve en cage, c'est quelqu'un qui est emprisonné dans un monde où tout est semblable, dans une galerie des glaces en quelque sorte, et qui enrage qu'il n'y ait pas d'issue. Voilà. Je crois que c'est d'ailleurs la première phrase de American Psycho. Il n'y a pas d'issue. Chloé est sur le point de signer un contrat de plusieurs millions de dollars avec Lancôme. Mais il y en a plein d'autres qui lui courent après. Surtout depuis que les rumeurs concernant un petit problème de drogue ont été écartées. Banana Republic? Non. Benetton? Non. Chanel? Oui. Gap? Peut-être. Dior? French Connection? Une plaisanterie. Guess? Pas Guess. Ralph Lauren? Problématique. Pepe Jeans? Vous voulez rire? Calvin Klein? Déjà fait. Pepsi? Sinistre mais possible. Etc. Les chocolats, la seule chose que Chloé aime vaguement manger, sont très sévèrement rationnés. Pas de riz, pas de pommes de terre, pas d'huile et pas de pain. Uniquement des légumes à la vapeur, certains fruits, du poisson grillé, du poulet bouilli. Nous n'avons pas dîné ensemble depuis longtemps parce que, la semaine dernière, elle a dû faire les essayages pour les 15 défilés qu'elle a cette semaine. Ce qui veut dire que chaque designer avait environ 120 tenues à lui faire essayer. Et en plus des deux défilés de demain, elle doit tourner une partie d'une publicité pour la télévision japonaise et rencontrer un metteur en scène pour passer en revue des storyboards auxquels elle ne comprend rien de toute façon. Prix affiché pour 10 jours de travail, 1 700 000 dollars. C'est stipulé dans un contrat quelque part. Cette fois-ci de Glamorama, qu'en retenez-vous, Alexis Broca? Écoutez, c'est un concentré de Glamorama avec la liste des éventuels sponsors. Il y a beaucoup de listes de toute façon chez Bret Easton Ellis. Voilà, il y a beaucoup de listes qui énumèrent des éléments luxueux souvent, avec des commentaires assez sarcastiques, Pepsi sinistre mais possible. Voilà, ça c'est très amusant. Il y a la démesure du chiffre, effectivement. Bret Easton Ellis parle souvent d'argent. argent, hein, clairement. Donc $1,700,000 pour 10 jours de vie de mannequin, parce que ce n'est pas plus que ça. On voit aussi le côté répétitif et absurde de cette vie de mannequin. Voilà, il parle de 120 tenues à essayer, c'était storyboard incompréhensible. Qu'elle ne comprend pas de toute façon. Voilà. Sous-entendu, elle est de toute façon trop bête. Alors, c'est peut-être sous-entendu qu'il y a peut-être ça, ou peut-être tout simplement que ces storyboards sont vraiment incompréhensibles. Dans Zombie, notamment, il y a le personnage d'une rockstar qui se fait proposer de jouer dans un film de science-fiction dans lequel l'empereur de l'espace sera une tomate. Et Bret Easton Ellis aime bien citer comme ça des storyboards complètement. Il connaît très bien le milieu hollywoodien, hein, et il travaille d'ailleurs sur des scripts et sur des storyboards, et il a dû en voir passer des extraordinaires, en effet. Et donc ça peut être à la fois une critique de la bêtise de ce mannequin, Chloé, et en même temps ça peut être aussi une description de l'absurdité de ce monde où on vous donne des storyboards qui n'ont ni queue ni tête, mais qui feront un triomphe au box-office une fois qu'ils seront transformés en film. Ce monde, effectivement, où on vous fait revêtir des centaines de tenues que vous ne porterez qu'un instant. Voilà. Est-ce que ça fait de lui un auteur réaliste ? On a tendance à le penser, mais alors, est-ce que c'est vrai ? Il y a deux choses. Il y a un côté hyper réaliste chez Bret Easton Ellis lorsqu'il cite les marques abondamment, lorsqu'il cite précisément les noms des restaurants, lorsqu'il fait intervenir des personnages réels, comme Jay McInerney, par exemple, dans Lunar Park. Là, il parle de sa vie, quand même. Voilà, là, il parle de sa vie. Non, et puis même dans American Psycho, il y a beaucoup de détails réalistes. Je pense que le restaurant Spago, qui est toujours cité dans les premiers romans de Bret Easton Ellis, a existé. Mais ça, c'est des effets de réel. C'est des effets de réel, ouais. Ça donne l'impression parfois d'être face à une peinture, ces peintures hyper réalistes où chaque détail en fait vous saute à la figure. Et en même temps, il y a une tension vers le fantastique qui est là dès le début de l'œuvre. Dans Manque Zéro, par exemple, il y a une allusion à des vampires. Un personnage connaîtrait des vampires qui vivraient dans la vallée de San Fernando, si je me souviens bien. Et en fait, Bret Easton Ellis a publié un recueil de nouvelles qui s'appelle Zombie, qui est sorti juste après American Psycho, mais qui reposait sur des textes qui avaient été écrits au lycée. Et là, vous avez une nouvelle qui est entièrement fantastique, qui sont les aventures d'un vampire à Los Angeles. Et par ailleurs, Bret Easton Ellis, dans White, se décrit comme lisant beaucoup de livres de Stephen King, se décrit aussi comme étant un fanatique de films d'horreur. Et donc de là, la montée d'un certain fantastique dans sa narration. En effet. Alors justement, vous parlez de zombies. On va en écouter précisément un extrait toujours lu par Pierre-Marie Baudouin. Pourquoi as-tu autant de quoi ? Je dis en déboutonnant ma chemise. Eh bien, autant de viande ? Continue-t-elle faiblement. Je veux dire, il y en a tellement dans ton frigo. Je ne sais pas, parce que ça m'arrive d'avoir faim. Écoute, ça va te paraître totalement bizarre, mais elle bégaye. Elle s'approche maintenant, l'air d'hésité, ne se rendant même pas compte que ses pieds touchent à peine le sol. Je me lève avec une énorme érection qui se dresse droit devant moi. « Es-tu un vampire ?» je dis en souriant. « Non, un agent secret, » dit-elle d'une voix très sérieuse. Je m'éclaircis la gorge. Quand je lui dis que non, que je ne suis pas un agent secret, elle gémit, et maintenant je la tiens par les épaules et je l'emmène très lentement, très calmement, à la salle de bain. Et tandis que je la déshabille, jetant son t-shirt esprit dans le bidet, elle n'arrête pas de rire sottement, et elle demande « Ça ne te paraît pas bizarre ?» Et enfin son corps jeune et parfait est nu. Et elle plonge son regard dans des yeux, les miens, qui s'embrument complètement, deviennent noirs et sans fond. Et elle me touche le visage, incrédule, pleurant, en même temps de surprise. Et je souris et touche sa chatte douce et dépourvue de toute toison. Et elle dit seulement « Ne me fais pas de suçon !» Et alors je crie, je saute sur elle, je crève sa gorge, je la baise et je joue avec son sang. Et après ça, tout va fondamentalement bien. Donc le vampire, Alexis Broca, il n'est jamais très très loin. Non, le vampire n'est jamais très très loin. Et en même temps, il y a toujours une note d'humour ou une note de second degré ou de distance qui désamorce. Oui, la viande dans le frigo. Voilà, qui désamorce l'horreur pure. Voilà, la viande dans le frigo. Es-tu un agent secret? Ne me laisse pas de suçons. Oui. C'est une réplique qui aurait pu être dans le bal des vampires de Roman Polanski. Donc il y a quelque chose comme ça qui désamorce le côté. Enfin, cela dit, peut-être que le thème désamorcé n'est pas le bon. Il y a quelque chose qui coexiste, en fait. Cette nouvelle, elle est horrifique. Lorsque je l'ai lue, quand j'étais beaucoup plus jeune, elle m'a fait peur, en effet. Et en même temps, il y a beaucoup d'humour à l'intérieur. C'est-à-dire que ce vampire va notamment tomber sur une proie qui est héroïnomane. Et le résultat va être terrible pour lui, parce qu'il va absorber un sang contaminé par la drogue. Et ça va lui provoquer diverses manifestations physiologiques désagréables. Après, il va déjeuner avec une amie qui est vampire, elle aussi, qui se vante d'avoir saigné en fait toute une bande d'étudiants lors d'une sorte d'orgie à qui ça a beaucoup plu. Donc il y a beaucoup de notes de cynisme, d'humour à l'intérieur qui sont très années 80 elles aussi. Il y a un côté très très punk dans cet humour là. Mais on n'est pas juste dans l'humour et dans la parodie, loin de là. Non. Le vampire, c'est la mauvaise conscience des personnages. Oui. C'est une façon de psychanalyser les personnages que de faire apparaître des fantômes, par exemple. Alors ça, c'est vrai, c'est dans Lunar Park. Brett Easton Ellis transforme les névroses de son personnage qui s'appelle Brett Easton Ellis en fantômes. Il fait intervenir donc le fantôme d'un père et aussi le spectre d'une colère. Il y a deux fantômes dans Lunar Park. Et c'est vrai que donc ces fantômes-là ne sont pas comme... ne sont pas la fin du texte. Le fantastique n'est pas la fin du texte. Le fantastique ici cherche clairement à dire quelque chose. Vous me direz, c'est souvent le cas dans les romans fantastiques. C'est vrai, mais Brett Easton Ellis, lui, nous donne clairement le mode d'emploi. Comment interpréter ce fantastique? Dans le cas des vampires, je pense que les vampires chez Ellis, du moins au début de l'œuvre, sont simplement ces personnages beaux, anonymes et avides, poussés à l'extrême. Pousser jusqu'au bout, au fond, pas grand-chose ne différencie les adolescents toxicomanes, obsédés par leurs propres désirs et en même temps plein de torpeur morale de moins que zéro, de ce vampire qui consomme les gens dans Zombie. Si vous voulez, le vampire est l'aboutissement logique de ces personnages d'enfants perdus dans un monde où le capitalisme touche à son sommet. Voilà. Ce qu'on comprend quand même dans ce que vous dites, c'est que pour vous, Bret Easton Ellis, c'est un auteur sérieux. Oui. Un auteur à plusieurs interprétations, dont l'œuvre peut faire l'objet de plusieurs niveaux d'interprétation. On le voit pas forcément toujours, ça. On a eu tendance à considérer que c'était peut-être un auteur parfois commercial, parce que auteur de best-seller, parce que c'était un auteur qui choquait et qui paraissait dans l'air du temps. Pour vous, c'est pas du tout ça? En fait, je pense que nos lectures de Brett Easton Ellis changent selon l'âge qu'on a, selon le stade où nous en sommes dans la vie. Lorsque j'ai commencé à lire à 16 ans, je pensais que j'étais fasciné par le monde de Brett Easton Ellis et je pensais que Brett Easton Ellis partageait cette fascination pour ce monde-là et qu'il y avait une complaisance qui n'avait pas peur d'elle-même. Et voilà. Après, j'ai grandi et j'ai eu tendance à le voir comme un moraliste, comme quelqu'un qui dénonçait en fait les choses qu'il décrivait, qui n'avait pas besoin d'ailleurs d'écrire en toutes lettres qu'il le dénonçait. Les choses qu'il décrivait étaient suffisamment horribles pour que tout lecteur sain d'esprit puisse voir ce côté moraliste. Et pourtant, encore une fois, American Psycho a été refusé par des éditeurs et a choqué le public qu'il a pris au premier degré. C'est vrai que le public l'a pris au premier degré. Je pense que Brett Easton Ellis n'était pas mécontent de ce petit scandale autour de après tout, c'est quelqu'un qui aime la publicité et qui ne s'en cache pas. Je pense que Brett Easton Ellis, en fait, aujourd'hui, je pense que ses œuvres sont consciemment créées pour être à géométrie variable, pour être jugées de différentes façons. Dans, il écrit plusieurs fois d'ailleurs que les questions sont plus intéressantes que les réponses. Il donne plusieurs, souvent dans ses romans, il donne des opinions sur les romans antérieurs. Ses opinions sont souvent contradictoires. Il y a une très bonne scène dans Manque Zéro qui résume un peu tout cela. C'est lorsqu'une fille qui s'appelle Blair donne une soirée. Elle rentre dans une chambre et elle voit une de ses amies qui est visiblement une amie perdue, qui est anorexique, qui sort d'une cure de désintoxication, et cette amie est en train de se droguer. Et Blair dit « Ne fais pas ça ». Et en même temps, elle reste parce qu'elle est fascinée par ce qu'il est en train de se passer. Mmh. Et je pense que c'est le regard que nous inspirent les œuvres d'Ellis, c'est ça. « Ne faites pas ça » et en même temps, c'est fascinant. On va continuer d'explorer l'univers de Bret Easton Ellis avec vous, Alexis Broca, juste après la chronique de Frédéric Magé. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Frédéric Magé, directeur de la Maison Colette à Saint-Sauveur en Puisée. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous avez choisi de nous parler aujourd'hui d'une autrice culte admirée, entre autres, par Bret Easton Ellis. Il s'agit de l'américaine Joan Didion. Oui, célèbre dans les années 60 au point de faire la une du Los Angeles Times aux côtés de Nancy Reagan, Joan Didion fut longtemps une autrice pour auteur, presque confidentielle pourrait-on dire, avant que le grand public ne la découvre en 2005 avec l'année de la pensée magique récompensée par le National Book Award, puis 6 ans plus tard avec Le Bleu de la Nuit, tous les deux inspirés par les morts successives, d'abord de son mari Gregory Dunn et puis de sa fille Quintana. En près de 60 ans de carrière, pourtant, Joan Didion aura assez peu publié finalement. 5 romans, 10 de recueils d'articles et d'essais, dont la plupart d'ailleurs demeurent inédits en France, auxquels s'ajoutent 5 scénarios pour Hollywood, je citerai Une étoile est née en 76 ou Personnel et confidentiel en 96. Son œuvre peut sembler mince au regard de l'empreinte qu'elle laisse pourtant dans la littérature américaine. Et cette empreinte, on la doit dans un premier temps à sa carrière de journaliste. Oui, elle est née en 1934 à Sacramento. Elle est très vite repérée à la fin de ses études à Berkeley par le magazine Vogue, qui l'engage d'abord comme assistante de recherche, un poste qu'avait occupé juste avant elle Sylvia Plath. Et elle va y rester 7 ans avant de se choisir une carrière de journaliste freelance. Elle va travailler pour beaucoup de journaux, la New York Review of Books, New Yorker, Life, Esquire. Et très tôt, elle a fait sienne l'esthétique du nouveau journalisme, dont elle devient d'ailleurs une des principales représentantes avec Tom Wolfe ou avec Norman Mailer. Un point de vue subjectif assumé, des dialogues directs, qui restitue la parole brute des témoins, une attention aux détails du quotidien, un style qui refuse la fiction mais qui ne dédaigne pas la mise en scène littéraire, un journalisme de sang-froid pour tenter de comprendre l'Amérique. Donc l'Amérique de Joan Didion, c'est l'Amérique des années 60. Oui, alors au début des années 60, tout semble aller pour le mieux, comme elle le dit, le marché se porte bien, le PNB est élevé. Ça aurait pu être un prétend d'intrépides espérances, écrit-elle, mais ça ne l'était pas. En effet, une nouvelle génération refuse la règle du jeu. Et pour essayer de décrypter ce qu'elle désigne elle-même comme l'hémorragie sociale d'une Amérique qui aurait avorté d'elle-même, elle décide de se rendre dans la ville qui, à ses yeux, est l'épicentre de ce phénomène, San Francisco. Là où se rassemblent ceux qui se nomment eux-mêmes les hippies. Et oui, ils sont débarrassés des vieux complexes freudiens de la classe moyenne. Ils lisent Allen Ginsberg, ils écoutent Janis Joplin, John Baez et les Doors. Ils mangent macrobiotiques et ils allument des bâtons dansants en fredonnant Hare Krishna, et surtout ils sont jeunes, très jeunes. En 1967, écrit Joan Didion, près de 200 000 adolescents affluent dans ce qu'elle nomme elle-même la nouvelle Bethléem. Alors ce sont des gosses, dit-elle, des gamins, des filles, des fillettes de 16, 15, 14, toujours plus jeunes. Tout ce qu'ils veulent, c'est un trip. Alors acide, LSD, peyote, mescaline, benzédrine, dexédrine, méthédrine, tous les moyens sont bons pourvu que ça groove. Parce que, écrit-elle, à partir du moment où on se fait un plan acide avec quelqu'un sur qui on flash, on voit le monde entier se liquéfier dans ses yeux. Et c'est justement dans les yeux d'une petite fille de 5 ans, sous acide, que Joan Didion voit l'Amérique se disloquer, tournant à vide. Contrairement à ce qu'écrivent les journalistes de l'époque, selon elle, le mouvement hippie n'est pas une blague de potache. Pas non plus un mouvement d'avant-garde artistique ni un sage mouvement de protestation en faveur de la paix, mais, écrit-elle, la tentative désespérée d'une poignée d'enfants terriblement démunis de créer une communauté au milieu du vide social. Des gamins finalement moins rebelles qu'indifférents, une armée d'enfants qui attendent qu'on leur donne les mots. Longtemps, ces textes vont hanter l'imaginaire américain. Alors Frédéric, quel lien ces premiers textes journalistiques entretiennent-ils avec le reste de l'œuvre? Alors significativement, lorsqu'en 2007 le jury Médicis a couronné l'année de la pensée magique, ce fut dans la catégorie essai. Et c'est un terme qui généralement est utilisé pour désigner la plupart des publications non fictionnelles de John Didion. Ce choix, à mon avis, peut s'expliquer par une écriture qu'on qualifie volontiers d'intellectuelle, hein, et qui forme la trame générale de cette œuvre. Économe, très minimaliste dans ses moyens, distancié, extrêmement réfléchi. On pourrait parler d'une écriture de tête, comme en musique on parle d'une voix de tête. Hein. L'écriture de John Didion me fait penser d'ailleurs à la musique de Steve Reich, de John Cage, ou plus près de nous, à celle de Philip Glass. Des ruptures, des syncopes, des reprises, un refus du pathos, une précision presque chirurgicale, une écriture hypnotique et paradoxalement profondément émouvante. Elle vous saisit en quelques mots, je voudrais juste citer ici le début de l'année de la pensée magique. La vie change vite, la vie change dans l'instant, on s'apprête à dîner et la vie telle qu'on la connaît s'arrête. Alors, au sein de la littérature américaine contemporaine, quelle est la place de cette œuvre? Mais j'ai envie de dire une place marginale et en même temps essentielle. John Didion appartient à la génération qu'on dit silencieuse. Silencieuse non par optimisme ou par peur, mais parce qu'elle semblait certaine du pire. Convaincue, et je cite John Didion, que le cœur des ténèbres réside dans le sang même des hommes. Dans ses textes, elle n'aurait eu de cesse, tel un sismographe, d'enregistrer les tremblements et les failles de l'Amérique et par l'écriture, d'une certaine façon, de tenter de colmater les fissures. « Nous nous racontons des histoires pour vivre », écrit-elle au début de l'album Blanc. Elle écrit pour survivre. Dans le seul documentaire auquel elle est acceptée de participer, réalisé par son neveu Griffin Dunn et diffusé l'an passé sur Netflix, qui est formidable d'ailleurs, John Didion a 85 ans. Elle apparaît petite, mince, fragile, hein, les mains décharnées, presque translucides. Derrière de vastes lunettes, son regard est très clair. Sa parole est nette, pure, tranchante. Elle semble inquiète. Pour moi, elle a le visage de Cassandre. Merci beaucoup Frédéric Magé. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent venir visiter la maison Colette que vous dirigez. C'est en Bourgogne, à Saint-Sauveur. En puiser tous les renseignements sur votre site internet. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in this time to promised lands, to show you everyone. It's the time of the season for love. Et nous revenons à l'écrivain Bret Easton Ellis, dont le dernier livre White paraît aujourd'hui aux éditions Robert Laffont. Un livre où on retrouve la question des relations parents-enfants, une thématique qui est récurrente chez l'écrivain, très présente en particulier dans Lunar Park, un livre dont voici un extrait, toujours lu par Pierre-Marie Baudouin. La réplique à dire: tu es mon père et je t'aime. Je me souviens d'avoir fixé la nappe blanche pendant que j'envisageais de le dire. Étais-je capable de la prononcer? Je n'y croyais pas, mais elle n'était pas vraie. Mais je voulais qu'elle le soit. L'espace d'un instant, pendant que mon père commandait une autre vodka, il était 2 heures de l'après-midi, il en était à sa quatrième, et se mettait à se plaindre de ma mère et de l'effondrement de l'immobilier en Californie, et du fait que tes sœurs ne l'appelaient jamais. J'ai compris que c'était possible, et qu'en le disant, je pourrais le sauver. J'ai tout à coup vu un avenir avec mon père. Mais l'addition est arrivée en même temps que la vodka, et j'ai été arraché à ma rêverie par une dispute qu'il voulait entamer. Je m'étais simplement levé et éloigné de la table sans même me retourner pour le regarder ou lui dire au revoir. Je ne lui avais jamais reparlé. C'était en mars 1992 et il est mort au mois d'août suivant dans la maison de Newport Beach. Dans mon lit de la 13e rue, j'ai compris l'unique chose que j'étais en train d'apprendre de mon père: à quelle solitude les gens se condamnent. Mais j'ai aussi compris ce que je n'avais pas appris de lui. Qu'une famille, si vous le permettez, vous donne de la joie, qui vous donne à son tour de l'espoir. Que nous avions tous les deux échoué à comprendre que nous partagions le même cœur. C'est vrai que la famille, Alexis Broca, c'est pas forcément le thème qu'on associerait comme ça immédiatement à la littérature d'Élis. Et pourtant, cette question des relations parents-enfants, elle est très récurrente. Elle est très récurrente. Alors, en effet, les parents sont rarement l'objet de grands textes, mais ils apparaissent toujours, ils apparaissent fugacement. Ou par leur absence. Oui, ou par leur absence. Ou alors, lorsqu'ils sont présents, c'est à travers un mot qui peut être laissé, mais ça peut être aussi une vision fugace, ou alors une soirée passée qui dit tout. Je pense à ce passage dans Les Lois de l'attraction où le personnage de Paul Denton quitte la fac pour aller retrouver sa mère dans un hôtel luxueux. Sa mère est avec une amie. Ce sont deux dames très chics, complètement bourrées d'antidépresseurs. Ils auront une conversation au dîner avec le fils de cette dame aussi, qui n'aura ni queue ni tête et qui sera une conversation absurde et catastrophique. Donc il y a beaucoup de petites scènes comme ça avec les parents qui elles aussi sont métonymiques dans le sens où elles permettent au lecteur d'imaginer tout un paysage parental défaillant. Et en même temps, je pense que chez Bretis et Elis, il n'y a pas de volonté de condamner les parents ou d'expliquer entièrement les enfants à partir des turpitudes des parents. Ce qu'il dit souvent, c'est qu'il montre des enfants qui sont aussi matérialistes et aussi amoureux et avides que leurs parents. Mais en fait, oui. Ces parents-là, on a l'impression que c'est juste les enfants qui ont grandi. Exactement. Nous partageons le même cœur, dit-il à la fin de ce passage. En effet, d'ailleurs, Bret Easton Ellis fait grandir des personnages d'enfants. Je pense au personnage de Tim Price, qui est le héros d'une nouvelle de zombies, et qui devient, si je me souviens bien, Timothy Price au tout début d'American Psycho. Tim Price dans Zombies, c'est un enfant qui se retrouve avec un père complètement défaillant dans un voyage à Hawaï. Le père, en gros, tente de draguer la copine que le fils s'est fait. Et dans American Psycho, c'est l'alter ego de Patrick Bateman. C'est celui qui a, comme Patrick Bateman, toutes les clés de l'élégance des yuppies, qui sait s'il faut porter un col rond ou un col d'une autre forme avec telle ou telle veste, par exemple. Donc, en effet... Donc, ils abdiquent pas sur la séduction, ils abdiquent pas sur le plaisir et sur l'hédonisme. Non, il reste en fait, ces adolescents avides et amoureux, mais avec une puissance financière très supérieure et une existence sociale, elle aussi, plus importante. Mais sinon, non, il garde la même avidité, il garde la même frénésie de consommation. C'est sans doute ça qui d'ailleurs met Patrick Bateman en rage, c'est le fait d'être coincé au sommet d'un monde où il n'y a pas d'issue. Mm-hmm. Il n'y a finalement plus rien à espérer, il n'y a plus rien à aller chercher, plus rien à conquérir. Si en plus, comme il le pense, toute la vérité est dans la surface, qu'il n'y a pas de profondeur, eh bien, tout ce qu'il voit, c'est tout ce qu'il y a. Et ça ne répond pas à ses énormes désirs, et ça le met en rage, en effet. Mais y a-t-il des expériences de la part de Bret Easton Ellis d'aller plus loin dans la description de l'évolution de ses personnages, en faisant par exemple des repentis? Dans Lunar Park, c'est ça, c'est l'histoire d'une rédemption ratée en quelque sorte. Ratée. Voilà, Bret Easton Ellis tente de se repentir dans la vie de famille. Le personnage de Bret Easton Ellis, parce que comme vous l'avez dit hier, il y a beaucoup de jeux de masques. Donc ce personnage qui s'appelle Bret Easton Ellis dans Lunar Park se met en scène comme en écrivant au bout du rouleau, qui renoue avec une femme avec qui il a eu une histoire d'amour autrefois, avec qui il a eu un enfant. Oui. Et qui tente de d'être un bon père. Quoi ? D'être un bon père. D'être un bon père, voilà. Qui tente d'être un bon père, mais en même temps, il n'a pas les réflexes et il n'a pas ça dans le sang. Et il y a quelque chose de très touchant, d'ailleurs, dans ce père inapte qui tente effectivement qui tente de créer des liens avec son fils, et ce fils qui est déjà très rusé, qui est déjà, il a 12 ans, mais il est déjà sans doute très perverti par le monde dans lequel il vit. Ce sont des enfants californiens d'aujourd'hui qui prennent beaucoup de médicaments, d'antidépresseurs, etc. Et ce fils, en fait, se joue partiellement, du moins, de ce père qui débarque chez lui et qui tente de créer avec lui des liens d'amitié. tout en étant ivre, tout en voilà, tout en apparaissant comme un père pas exactement idéal. Et il en est question aussi de la relation parent-enfant dans White, avec cette idée que plus que l'enfant roi, c'est l'enfant libre, complètement libre, trop libre ou pas d'ailleurs, que Bret Easton Ellis a connu du temps lui de son enfance. Oui, tout à fait. Il y a une description très touchante et très étonnante parce qu'elle est nostalgique sur cette adolescence au tout début de White. J'imaginais pas qu'après avoir écrit American Psycho, Bret Easton Ellis en viendrait à faire une sorte d'éloge de cette enfance abandonnée, en quelque sorte, de cette enfance où il errait avec ses amis toute la journée dans des jolies maisons de Los Angeles où il ne croisait jamais de parents, où de temps en temps il y avait un repas prêt ou un mot. Bon, à un moment, dans White, il pose deux questions. Il dit, est-ce que ça a fait de nous des gens tordus, des monstres? Je ne sais pas. En tout cas, ça a fait de nous autre chose que des mauviettes. Donc ça, c'est important pour lui parce qu'aujourd'hui, il estime que cette adolescence, elle a été ce qu'elle a été, mais en tout cas, elle l'a définie elle en a fait cet écrivain provocateur, justement. Autre thème, puisqu'on arrive doucement vers la fin de l'émission, Alexis Broca, la question du complotisme. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des personnages complotistes, que Bret Easton Ellis lui-même le serait? Qu'en pensez-vous? Ah bah oui, vous avez des personnages complotistes, vous avez des intrigues complotistes, notamment dans Glamourama, où là vous avez l'histoire d'un père politicien qui manipule et évacue son fils pour éviter qu'il encombre sa campagne. Il y a toujours des idées complotistes et en même temps elles ne sont pas poussées jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous n'avez pas à la fin des romans de Bret Easton Ellis une explication claire de toutes les choses, tous les événements mystérieux qui sont déroulés durant le roman. Vous n'avez pas tout à coup l'idée d'une société secrète qui gouverne tout et qui aurait tout arrangé. C'est jamais aussi clair que ça. En revanche, il y a des tensions vers le complotisme. Il y a des tensions vers des espèces de narration qui sont à peine évoqués et qui flottent comme ça au-dessus de l'intrigue et qui donnent l'impression qu'en effet il y a des sortes de dieux puissants qui manipulent tout cela. C'est là où c'est le plus prégnant, c'est clairement dans Glamourama pour moi, mais avec l'impression que Bret Easton Ellis, là pour le coup, on ne sait jamais très bien avec lui, mais reprend ses idées à son compte. De complotisme, je pense qu'il, à mon avis, il les choisit pour des raisons esthétiques. Je pense qu'il les choisit simplement pour, déjà ça charpente un petit peu tout ce qui arrive à Victor Ward, ça permet au lecteur qui veut vraiment trouver une explication de s'en fabriquer, et puis surtout ça crée une sorte de couche supérieure au-dessus de ce monde-là, qui montre bien que au-dessus de ce monde de pur glamour, de superficialité et d'argent, il y a des forces obscures qui agissent et qui dirigent tout. Mais ça va pas beaucoup plus loin que ça, si vous voulez. On n'a pas droit à une thèse complotiste achevée dans les textes de Bret Easton Ellis. On n'a pas droit à une thèse complotiste, n'est-ce pas aussi parce que l'intrigue, finalement, qui pourrait servir de base à la révélation d'un complot, est finalement assez peu présente dans beaucoup des romans de Bret Easton Ellis. Elle est assez peu présente, en effet. De temps en temps, il tente quelque chose vers cela. Je pense dans Suite impériale, notamment, où là, il y a une sorte de roman policier qui se résout à la fin. Bret Easton Ellis, je sais, a beaucoup lu Chandler. Il en parle. Je suis pas sûr que les résolutions l'intéressent beaucoup, en fait. Je pense que ce qui l'intéresse beaucoup, c'est le mystère. Ce qui l'intéresse beaucoup, ce sont ces légendes urbaines que vous entendez dans une conversation et vous ne savez pas si elles sont vraies ou si elles sont fausses et vous n'allez pas vérifier et peu importe, elles disent quelque chose de notre monde. Donc c'est de la littérature pure, c'est l'amour de l'histoire qu'on vous raconte. Voilà. Et en même temps, cette histoire n'est pas un mensonge. C'est pas un hasard si elle surgit à telle époque, dans tel lieu. Ces histoires de vampires, par exemple, qu'il a dû entendre au lycée et qu'il rend réel en quelque sorte dans ce recueil de nouvelles zombies, ces histoires, on sait bien qu'elles sont fausses. Et en même temps, elles disent vraiment quelque chose de la façon dont les gens se consomment les uns les autres dans ce monde-là, bien sûr. Les adaptations cinéma, il y en a eu plusieurs. On a dit que c'était... la critique a dit que c'était plutôt des nanars. Plutôt des nanars, en effet. Bret Easton Ellis le dit lui-même souvent. avec une certaine cruauté. D'ailleurs, il décompose certaines adaptations qui ont été faites de ses œuvres. Alors, il y a le fameux Neige sur Beverly Hills, qui était l'adaptation de Moins que Zéro, alors qui est quelque chose de sidérant, parce que c'est une adaptation qui est totalement faite à rebours de l'esprit de Moins que Zéro, où le personnage principal, Clay, qui dans le roman donc est bisexuel et toxicomane et est pris par cette espèce de torpeur morale générale, et ben dans le film ça devient un personnage anti-drogue, hétérosexuel, ce que les Américains appellent un prépi, un garçon bien habillé et très propre sur tout rapport. Dans Wilde, Bruce Willis dit: Ils m'en ont fait une mère juive de mon personnage, ce qui est assez drôle. Et en effet, donc ça c'est un gros ratage. Après, il y a des semi-ratages. Les lois de l'attraction, il y a des choses intéressantes dans les lois de l'attraction, mais il y a aussi des scènes assez grotesques. American Psycho est, à mon sens, le plus réussi, parce que c'est le livre qui respecte le mieux... c'est le film qui respecte le mieux l'esprit du livre, en effet. Et là, pour cela, il n'y a pas vraiment de trahison. Il y a quelque chose de difficile quand même à adapter Bret Easton Ellis, on le sent. Oui. Parce que très vite, on tombe dans la caricature. Exactement. Et très vite, vous tombez justement dans l'interprétation littérale d'intrigues qui, souvent, ne sont pas tout à fait crédibles. Dans le livre, c'est pas très grave qu'elles ne soient pas tout à fait crédibles. Ça fait partie de l'esthétique. Mais lorsque vous le montrez au cinéma, tout à coup, ça donne quelque chose de bancal. En tout cas, ça donne envie de revoir et de relire tout ça. Merci beaucoup, Alexis Broca. Merci. Et je rappelle que votre dernier roman, Un dieu dans la machine, a paru chez Phébus en 2018. Le précédent s'appelait La vie de jardin. Il date de 2015, il est disponible chez Gallimard. C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Laurence Millet, Laurence Genepin, Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Garance Mazelier et Anthony Thomasson. La semaine prochaine, tout autre chose, puisque nous entamerons une semaine consacrée à André Breton. Et puis demain, c'est Manu Farine qui sera à l'antenne pour La Compagnie des poètes. Je rappelle aussi que ce soir et demain soir, vous pouvez vous rendre à la maison de Radio France à 20h30 pour assister à l'enregistrement de l'adaptation pour la radio du roman de Fitzgerald, Gatsby, le magnifique Réservation, maisondelaradio.fr. Tout de suite, la poésie. Bonjour, bonjour la compagnie. Où en étions-nous? Ah oui, ta théorie sur les islamistes financés par les juifs et Obama franc-maçon. Là, nous sommes au début d'un poème de Haris Vlavianos dans Poète grec du XXIe siècle. C'est au miel des anges. Où en étions-nous? Ah oui, ta théorie sur les islamistes financés par les juifs. Et Obama, franc-maçon, t'inquiète pas, ce n'est rien. Après un certain âge, beaucoup de gens se fabriquent leur complot imaginaire qui explique tout. Depuis les activités cachées du groupe Bilderberg et les plans insidieux des Illuminati jusqu'à la grippe porcine. Car comment supporter autrement le douloureux passage d'une rive du réel à l'autre? La question, évidemment, n'est pas de savoir de quel réel je parle, ou ce que contient ta théorie qui terminera, quoi qu'il arrive, aux ordures, c'est ta façon de t'accrocher obstinément à cette branche morte, à l'instant où tu crois te retrouver bientôt au fond de l'abîme. D'un point de vue, évidemment, ta position est admirable. Il n'est pas facile de voler sans cesse dans un nuage d'incohérence avec un sourire satisfait, comme si le message qu'apportent les extraterrestres avait pour destinataire exclusif nous-mêmes. Mais tu as raison sur un point. Le monde, c'est vrai, est mal barré et nous entraîne tous dans le désastre. À part ça, quelle heure est-il à ta Rolex? Je le mets maintenant, le masque à oxygène, ou plus tard? Dans Poète grec du XXIe siècle, Titos Patricios, c'est là que te trouve la poésie. Là où tu t'interroges sur ce que tu vois la première fois, sur des choses tant de fois dites aujourd'hui passées, des choses quotidiennes qui pourtant surprennent, des choses dont tu disais qu'elles n'arriveraient jamais et qui arrivent là, sous tes yeux, sur d'autres qui se répètent avec des variations infimes, d'autres qui se vendent à peine trouver le bon prix, d'autres qui ont pourri avec le passage du temps ou qui étaient pourris dès le début sans que tu l'aies vu, là où tu t'étonnes de choses que tu as pu faire, de choses sérieuses ou stupides qui t'ont fait risquer ta vie, de choses dont l'importance t'est apparue plus tard, de choses qui t'effrayaient, que tu as fui, de choses projetées, restées lettres mortes, d'autres prévues par d'autres qui ont tourné autrement, d'autres qui te sont venues sans que tu l'attendes, d'autres dont tu as seulement rêvé, réalisé une fois sur mille. C'est là que te trouve la poésie. Et on termine avec quelques vers de Myalis Ganas, qu'on avait entendu au début de la semaine, poète originaire de l'Épire, le merle. Maigre moignon, le merle. Ses tralala, ses prières enrouées, malhabile toute l'année, mais au printemps, il dit sa messe dans les platanes éclatants, dans des lieux familiers, des arbres, déjà dit au temps de la pluie, du vent et du froid, au temps de la neige, quand il s'accrochait au grain noir du lierre pour nourrir son petit corps, puis se laisser aller sur une branche, flamme noire sur la neige qui attend. Jacques Bonafé avec le dernier épisode d'une série consacrée aux poètes grecs contemporains.